L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Première partie, chapitre 1er. Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillon devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine, des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne, on se heurtait. Les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait tout d'une nuée blanchâtre tandis que la cloche à l'avant tintait sans discontinuer. Enfin le navire partit et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame. Et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant 2 mois avant d'aller faire son droit. Sa mère, avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle dont elle espérait, pour lui, l'héritage. Il en était revenu la veille seulement, et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue. Le tumulte s'apaisait. Tous avaient pris leur place. Quelques-uns, debout, se chauffaient autour de la machine, et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire. Des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres, le pont tremblait sous une petite vibration intérieure, et les deux roues, tournant rapidement, battaient l'eau. La rivière était bordée par des grèbes de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous le remous des vagues, ou bien, dans un bateau sans voile, un homme assis pêchait. Puis, les brumes errantes se fondirent, le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s'abaissa, et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée. Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes de toits à l'italienne. Elles avaient des jardins en pente que divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes et des vases de géranium espacés régulièrement sur des terrasses où l'on pouvait s'accouder. Plus d'un, en apercevant ces coquettes résidences si tranquilles, enviait d'en être le propriétaire pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelque autre rêve. Le plaisir tout nouveau d'une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient, on était gai, ils se versaient des petits verres. Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas, au plan d'un drame, à des sujets de tableau, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. Il se déclama des vers mélancoliques. Il marchait sur le pont à pas rapides. Il s'avança jusqu'au bout, du côté de la cloche. Et dans un cercle de passagers et de matelots, il vit un monsieur qui contait des galanteries à une paysanne, tout en lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. C'était un gaillard d'une 40aine d'années, à cheveux crépus. Sa taille robuste emplissait une jaquette de velours noir. 2 émeraudes brillaient à sa chemise de batiste, et son large pantalon blanc tombait sur d'étranges bottes rouges, en cuir de Russie, rehaussées de dessins bleus. La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois, en l'interpellant par des clins d'œil. Ensuite, il offrit des cigares à tous ceux qui l'entouraient. Mais, ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit. La conversation roula d'abord sur les différentes espèces de tabac, puis, tout naturellement, sur les femmes. Le monsieur en bottes rouges donna des conseils au jeune homme. Il exposait des théories, narrait des anecdotes, se citait lui-même en exemple, débitant tout cela d'un ton paterne, avec une ingénuité de corruption divertissante. Il était républicain, il avait voyagé, il connaissait l'intérieur des théâtres, des restaurants, des journaux, et tous les artistes célèbres, qu'il appelait familièrement par leur prénom. Frédéric lui confia bientôt ses projets, il les encouragea. Mais il s'interrompit pour observer le tuyau de la cheminée, Puis, il marmotta vite un long calcul, afin de savoir combien chaque coup de piston, à tant de fois par minute, devait, etc. Et la somme trouvée, il admira beaucoup le paysage. Il se disait heureux d'être échappé aux affaires. Frédéric éprouvait un certain respect pour lui, et ne résista pas à l'envie de savoir son nom. L'inconnu répondit tout d'une haleine. « Jacques Arnoux, propriétaire de l'art industriel, boulevard Montmartre. » Un domestique ayant un galon d'or à la casquette vint lui dire « Si monsieur voulait descendre, mademoiselle pleure. » Il disparut. L'art industriel était un établissement hybride comprenant un journal de peinture et un magasin de tableaux. Frédéric avait vu ce titre-là, plusieurs fois, à l'étalage du libraire de son pays natal, sur d'immenses prospectus, où le nom de Jacques Arnoux se développait magistralement. Le soleil dardait d'aplomb, en faisant reluire les gabions de fer autour des mâts, les plaques du bastingage et la surface de l'eau. Elle se coupait à la proue en deux sillons, qui se déroulaient jusqu'au bord des prairies. À chaque détour de la rivière, on retrouvait le même rideau de peupliers pâles. La campagne était toute vide. Il y avait dans le ciel de petits nuages blancs arrêtés, et l'ennui, vaguement répandu, semblait alanguir la marche du bateau et rendre l'aspect des voyageurs plus insignifiant encore. À part quelques bourgeois, aux premières, c'étaient des ouvriers, des gens de boutique avec leurs femmes et leurs enfants. Comme on avait coutume alors de se vêtir sordidement en voyage, presque tous portaient de vieilles calottes grecques ou des chapeaux d'étain, de maigres habits noirs, râpés par le frottement du bureau, ou des redingotes ouvrant la capsule de leurs boutons pour avoir trop servi au magasin. Ça et là, quelques gilets à châle laissaient voir une chemise de calicot maculée de café. Des épingles de chrysocale piquaient des cravates en lambeaux. Des sous-pieds cousus retenaient des chaussons de lisière. Deux ou trois gredins qui tenaient des bambous à ganses de cuir lançaient des regards obliques, et des pères de famille ouvraient de gros yeux en faisant des questions. Ils causaient debout, ou bien accroupis sur leurs bagages. D'autres dormaient dans des coins. Plusieurs mangeaient. Le pont était sali par des écales de noix, des bouts de cigares, des pelures de poire, des détritus de charcuterie apportés dans du papier. Trois ébénistes, en blouse, stationnaient devant la cantine. Un joueur de harpe en haillon se reposait, accoudé sur son instrument. On entendait par intervalles le bruit du charbon de terre dans le fourneau, un éclat de voix, un rire, et le capitaine sur la passerelle marchait d'un tambour à l'autre sans s'arrêter. Frédéric, pour rejoindre sa place, poussa la grille des premières, dérangea deux chasseurs avec leurs chiens. Ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ou du moins, il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne, se découpaient sur le fond de l'air bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche pour dissimuler sa manœuvre. Puis, il se planta tout près de son ombrelle, posée contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait, et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Une négresse, coiffée d'un foulard, se présenta en tenant par la main une petite fille déjà grande. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle la prit sur ses genoux. Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût 7 ans bientôt. Sa mère ne l'aimerait plus. On lui pardonnait trop ses caprices. Et Frédéric se réjouissait d'entendre ces choses, comme s'il eût fait une découverte, une acquisition. il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être. Elle avait ramené des îles, cette négresse, avec elle. Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son dos sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans. Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il allait tomber dans l'eau, Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur. » Leurs yeux se rencontrèrent. « Ma femme, es-tu prête ?» cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier. Mademoiselle Marthe courut vers lui, et cramponnée à son cou, elle tirait ses moustaches. Les sons d'une harpe retentirent, elle voulut voir la musique, et bientôt le joueur d'instruments, amené par la négresse, entra dans les premières. Arnoux le reconnut pour un ancien modèle. Il le tutoya, ce qui surprit les assistants. Enfin, le harpiste rejeta ses longs cheveux derrière ses épaules, étendit les bras et se mit à jouer. C'était une romance orientale où il était question de poignards, de fleurs et d'étoiles. L'homme en haillons chantait cela d'une voix mordante. Les battements de la machine coupaient la mélodie à fausse mesure. Il pinçait plus fort, les cordes vibraient, et leur son métallique semblait exhaler des sanglots, comme la plainte d'un amour orgueilleux et vaincu. Des deux côtés de la rivière, des bois s'inclinaient jusqu'au bord de l'eau. Un courant d'air frais passait. Madame Arnoux regardait au loin d'une manière vague. Quand la musique s'arrêta, elle remua les paupières plusieurs fois comme si elle sortait d'un songe. Le harpiste s'approcha d'eux humblement. Pendant qu'Arnoux cherchait de la monnaie, Frédéric allongea vers la casquette sa main fermée et l'ouvrant avec pudeur, il y déposa un louis d'or. Ce n'était pas la vanité qui le poussait à faire cette aumône devant elle, mais une pensée de bénédiction où il l'associait, un mouvement de cœur presque religieux. Arnoux, en lui montrant le chemin, l'engagea cordialement à descendre. Frédéric affirma qu'il venait de déjeuner. Il se mourait de faim, au contraire, et il ne possédait plus un centime au fond de sa bourse. Ensuite, il songea qu'il avait bien le droit, comme un autre, de se tenir dans la chambre. Autour des tables rondes, des bourgeois mangeaient, un garçon de café circulait. Monsieur et Madame Arnoux étaient dans le fond, à droite. Il s'assit sur la longue banquette de velours, ayant ramassé un journal qui se trouvait là. Ils devaient, à Montereau, prendre la diligence de Châlons. Leur voyage en Suisse durerait un mois. Madame Arnoux blâma son mari de sa faiblesse pour son enfant. Il chuchota dans son oreille, une gracieuseté sans doute, car elle sourit. Puis, il se dérangea pour fermer derrière son cou le rideau de la fenêtre. Le plafond, bas et tout blanc, rabattait une lumière crue. Frédéric, en face, distinguait l'ombre de ses cils. Elle trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Le médaillon de lapis-lazuli, attaché par une chaînette d'or à son poignet, de temps à autre sonnait contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. Quelquefois, par les hublots, on voyait glisser le flanc d'une barque qui accostait le navire pour prendre ou déposer des voyageurs. Les gens attablés se penchaient aux ouvertures et nommaient les pays riverains. Arnoux se plaignait de la cuisine. Il se récria considérablement devant l'addition et il la fit réduire. Puis il emmena le jeune homme à l'avant du bateau pour boire des grogs. Mais Frédéric s'en retourna bientôt sous la tente où Madame Arnoux était revenue. Elle lisait un mince volume à couverture grise. Les deux coins de sa bouche se relevaient par moments et un éclair de plaisir illuminait son front. Il jalousa celui qui avait inventé ces choses dont elle paraissait occupée. Plus il la contemplait, plus il sentait entre elle et lui se creuser des abîmes. Il songeait qu'il faudrait la quitter tout à l'heure, irrévocablement, sans en avoir arraché une parole, sans lui laisser même un souvenir. Une plaine s'étendait à droite. À gauche, un herbage allait doucement rejoindre une colline où l'on apercevait des vignobles, des noyers, un moulin dans la verdure et des petits chemins au-delà, formant des zigzags sur la roche blanche qui touchait au bord du ciel. Quel bonheur de monter côte à côte, le bras autour de sa taille, pendant que sa robe balayait les feuilles jaunies en écoutant sa voix sous le rayonnement de ses yeux. Le bateau pouvait s'arrêter, il n'avait qu'à descendre, et cette chose bien simple n'était pas plus facile cependant que de remuer le soleil. Un peu plus loin, on découvrit un château à toit pointu avec des tourelles carrées. Un parterre de fleurs s'étalait devant sa façade, et des avenues s'enfonçaient comme des voûtes noires sous les hauts tilleuls. Il se la figura passant au bord des charmilles. À ce moment, une jeune dame et un jeune homme se montrèrent sur le perron, entre les caisses de rangée, puis tout disparut. La petite fille jouait autour de lui. Frédéric voulut la baiser. Elle se cacha derrière sa bonne. Sa mère la gronda de n'être pas aimable pour le monsieur qui avait sauvé son châle. Était-ce une ouverture indirecte ? « Va-t-elle enfin me parler ?» se demandait-il. Le temps pressait. Comment obtenir une invitation chez Arnoux ? Et il n'imagina rien de mieux que de lui faire remarquer la couleur de l'automne, en ajoutant « Voilà bientôt l'hiver, la saison des bals et des dîners. » Mais Arnoux était tout occupé de ses bagages. La côte de survie l'apparut, les deux ponts se rapprochaient, on longea une corderie, ensuite une rangée de maisons basses. Il y avait en dessous des marmites de goudron, des éclats de bois, et des gamins couraient sur le sable en faisant la roue. Frédéric reconnut un homme avec un gilet à manches et lui cria « Dépêche-toi !» On arrivait. Il chercha péniblement Arnoux dans la foule des passagers, et l'autre répondit en lui serrant la main « Au plaisir, cher monsieur !» Quand il fut sur le quai, Frédéric se retourna. Elle était près du gouvernail, debout. Il lui envoya un regard où il avait tâché de mettre toute son âme. Comme s'il n'eût rien fait, elle demeura immobile. Puis, sans égard aux salutations de son domestique, « Pourquoi n'as-tu pas amené la voiture jusqu'ici ?» Le bonhomme s'excusait. « Quel maladroit, donne-moi de l'argent !» Et il alla manger dans une auberge. Un quart d'heure après, il eut envie d'entrer comme par hasard dans la cour des diligences. Il la verrait encore, peut-être. « À quoi bon ?» se dit-il. Et l'américaine l'emporta. Les deux chevaux n'appartenaient pas à sa mère. Elle avait emprunté celui de M. Chambrion, le receveur, pour l'atteler auprès du sien. Isidore, parti la veille, s'était reposé à Bray jusqu'au soir et avait couché à Montereau, si bien que les bêtes rafraîchies trottaient lestement. Des champs moissonnés se prolongeaient à n'en plus finir. Deux lignes d'arbres bordaient la route, les tas de cailloux se succédaient, et peu à peu, Villeneuve-Saint-Georges, Ablon, Châtillon, Corbeil et les autres pays. Tout son voyage lui revint à la mémoire, d'une façon si nette, qu'il distinguait maintenant des détails nouveaux, des particularités plus intimes. Sous le dernier volant de sa robe, son pied passait dans une mince bottine en soie, de couleur marron. La tente de coutil formait un large dais sur sa tête, et les petits glands rouges de la bordure tremblaient à la brise perpétuellement. Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques. Il n'aurait voulu rien ajouter, rien retrancher à sa personne. L'univers venait tout à coup de s'élargir. Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses convergeait. Et bercé par le mouvement de la voiture, les paupières à demi closes, le regard dans les nuages, il s'abandonnait à une joie rêveuse et infinie. À Bray, il n'attendit pas qu'on eût donné l'avoine, il alla devant, sur la route, tout seul. Arnoux l'avait appelé « Marie ». Il cria très haut « Marie !» Sa voix se perdit dans l'air. Une large couleur de pourpre enflammait le ciel à l'occident. De grosses meules de blé, qui se levaient au milieu des chaumes, projetaient des ombres géantes. Un chien se mit à aboyer dans une ferme, au loin. Il frissonna, pris d'une inquiétude sans cause. Quand Isidore l'eut rejoint, il se plaça sur le siège pour conduire. Sa défaillance était passée. Il était bien résolu à s'introduire, n'importe comment, chez les Arnoux et à se lier avec eux. Leur maison devait être amusante. Arnoux lui plaisait d'ailleurs. Puis, qui sait ? Alors un flot de sang lui monta au visage, ses tempes bourdonnaient. Il fit claquer son fouet, secoua les rênes, et il menait les chevaux tel train que le vieux cocher répétait « Doucement, doucement, vous les rendrez poussifs !» Peu à peu, Frédéric se calma et il écouta parler son domestique. On attendait monsieur avec grande impatience. Mademoiselle Louise avait pleuré pour partir dans la voiture. « Qu'est-ce donc, mademoiselle Louise ?»« La petite à monsieur Roque, vous savez. » « Ah, j'oubliais, » répliqua Frédéric négligemment. Cependant, les deux chevaux n'en pouvaient plus. Ils boitaient l'un et l'autre, et 9 heures sonnaient à Saint-Laurent lorsqu'il arriva sur la place d'armes, devant la maison de sa mère. Cette maison, spacieuse, avec un jardin donnant sur la campagne, ajoutait à la considération de Madame Moreau, qui était la personne du pays la plus respectée. Elle sortait d'une vieille famille de gentilshommes, éteinte maintenant. Son mari, un plébéien que ses parents lui avaient fait épouser, était mort d'un coup d'épée pendant sa grossesse, en lui laissant une fortune compromise. Elle recevait trois fois la semaine et donnait de temps à autre un beau dîner. Mais le nombre des bougies était calculé d'avance, et elle attendait impatiemment ses fermages. Cette gêne, dissimulée comme un vice, la rendait sérieuse. Cependant, sa vertu s'exerçait sans étalage de pruderie, sans aigreur. Ses moindres charités semblaient de grandes aumônes. On la consultait sur le choix des domestiques, l'éducation des jeunes filles, l'art des confitures, et Monseigneur descendait chez elle dans ses tournées épiscopales. Madame Moreau nourrissait une haute ambition pour son fils. Elle n'aimait pas à entendre blâmer le gouvernement par une sorte de prudence anticipée. Il aurait besoin de protection d'abord, puis, grâce à ses moyens, il deviendrait conseiller d'État, ambassadeur, ministre. Ses triomphes au collège de Sens légitimaient cet orgueil. Il avait remporté le prix d'honneur. Quand il entra dans le salon, tous se levèrent à grand bruit, on l'embrassa. Et avec les fauteuils et les chaises, on fit un large demi-cercle autour de la cheminée. M. Gamblin lui demanda immédiatement son opinion sur Madame Lafargelle. Ce procès, la fureur de l'époque, ne manqua pas d'amener une discussion violente. Madame Moreau l'arrêta, au regret toutefois de M. Gamblin. Il la jugeait utile pour le jeune homme, en sa qualité de futur jurisconsulte, et il sortit du salon, piqué. Rien ne devait surprendre dans un ami du père Roch. À propos du père Roch, on parlait de M. d'Ambreuse, qui venait d'acquérir le domaine de la Fortelle. Mais le percepteur avait entraîné Frédéric à l'écart pour savoir ce qu'il pensait du dernier ouvrage de M. Guizot. Tous désiraient connaître ses affaires, et Mme Benoît s'y prit adroitement en s'informant de son oncle. Comment allait ce bon parent? Il ne donnait plus de ses nouvelles. N'avait-il pas un arrière-cousin en Amérique? La cuisinière annonça que le potage de monsieur était servi. On se retira par discrétion. Puis, dès qu'ils furent seuls dans la salle, sa mère lui dit à voix basse « Eh bien ?» Le vieillard l'avait reçu très cordialement, mais sans montrer ses intentions. Madame Moreau soupira. « Où est-elle à présent » songeait-il. La diligence roulait, et enveloppée dans le châle sans doute, elle appuyait contre le drap du coupé sa belle tête endormie. Ils montaient dans leur chambre quand un garçon du signe de la croix apportait un billet. « Qu'est-ce donc ?»« C'est des lauriers qui a besoin de moi, » dit-il. « Ah, ton camarade !» fit Madame Moreau avec un ricanement de mépris. « L'heure est bien choisie, vraiment !» Frédéric hésitait, mais l'amitié fut plus forte. Il prit son chapeau. « Au moins, ne sois pas longtemps !» lui dit sa mère.